Quelle envie de voir Grégadure. J'arrive. Grégadure. De la personne qui est possible. Il dormait maintenant. Ses deux jambes et un spectacle. Grégadure, il fait un spectacle. Mesdames et messieurs, pour votre grand plaisir, quelqu'un qui a dormi bien éveillé, qui est à fond avec Bouddha et Vishnu, Grégadure. Le sexe plus long que les idées, Grégadure. Oh ah oh ah ah oh oh oh ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah. Merci aux dignes représentants de Chapu Chapeau là. Ouais, Chapu Chapeau. Allez, allez, allez. Ça sonne, mais ça sonne pas. Grégadure. Non, ça sonne pas, on s'en a rien à foutre. Victor. Okay, champagne! Okay! Thank you. Le micro. 3, 4.